Le vendredi 5 mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. Citoyens et promoteurs ne s'entendent pas sur la hauteur des bâtiments dans le quartier Saint-Roch. Selon le Journal de Québec, l'entreprise GM Développement menace d'abandonner 3 projets dans la basse ville si la ville de Québec ne revoit pas son règlement. C'est ce qu'elle a fait savoir cette semaine dans le cadre des consultations publiques sur le programme particulier d'urbanisme dans le secteur sud de Saint-Roch. Le promoteur évoque notamment une tour de 15 étages sur le boulevard Charret près du restaurant Ashton et un autre de 9 étage à l'intersection du boulevard Langelier. Toujours dans le cadre de ce PPU, la Ville de Québec a mentionné qu'elle avait l'intention de permettre aux entreprises technologiques de Saint-Roch de faire de l'affichage numérique. La publicité sera cependant interdite. Les cours d'eau de la province sont sous haute surveillance à l'approche d'une dépression qui pourrait laisser jusqu'à 60 mm de pluie dans certains secteurs. Les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches sont cependant épargnées pour le moment. Mais la situation est tout autre dans le sud-ouest du Québec où des centaines de résidences sont menacées. La crue des eaux a déjà entraîné cette semaine plusieurs inondations, notamment dans les régions de l'Outaouais et de Montréal. Le passage du Vindame dans la capitale nationale annonce une saison des croisières record. Habitué du Saint-Laurent, le navire hollandais et ses 1600 passagers devraient quitter la ville en fin de journée pour se rendre à Montréal. C'est le premier navire à accoster cette année. Le port de Québec s'attend à accueillir plus de 130 escales et un total de 200 000 visiteurs. Il n'exclut pas non plus de mettre à profit pour la première fois le Quépa Quai à Lévis, dont il est le gestionnaire. Enfin, l'ex-grand argentier du Parti libéral du Québec, Marc Bibeault, est au moins en partie responsable du retard de l'enquête Machuré qui porte sur le financement politique et l'octroi de contrats publics. Le commissaire de l'unité permanente anticorruption, Robert Lafrenière, avait déjà révélé jeudi que des requêtes judiciaires lui avaient mis des bâtons dans les roues. Il s'agissait à l'évidence de M. Bibeault qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême pour interdire à l'UPAC l'accès à des données saisies le concernant. Il a été débouté par le plus haut tribunal au pays. Printemps, été, automne, hiver, météo. Jusqu'à 25 mm de pluie sont attendus d'ici dimanche après-midi dans la région de Québec. Il fera 11 degrés aujourd'hui, vendredi, 15 degrés demain, samedi. Et la situation ne s'améliore pas tellement pour les prochains jours, alors que les pictogrammes d'Environnement Canada indiquent des averses pour toute la semaine prochaine. C'est du moins les prévisions qui sont là pour le moment. Présentement à Québec, on a 9 degrés.